mon enfance. Vous m'abritez sous un climat plus doux, mais au foyer, j'ai laissé l'espérance. En attendant, je m'arrête chez vous. Alors, je vaillant, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer. Une fois à droite. L'air pur. Marche. De vos montagnes, je suis la liberté. La liberté d'appel des peuples en alarme. J'ai répondu par un cri de réveil. Sourd à ma voix, ces esclaves sans armes restèrent tous dans un profond sommeil. Relève-toi, ma France héroïque, car pour t'aider, je m'avance à grands pas. Ce tour enfin ton sommeil léthargique, et sois-en sûr, tu ne périras pas. Alors, je vaillant, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer. L'air pur de vos montagnes, je suis la liberté, la liberté. Un mot d'espoir à la belle Italie, courage à vous, Lombards, je reviendrai. Alignez-vous. Que chaque peuple à mon cri se rallie. Force avec tous et je triompherai. En attendant le jour de délivrance, ayant à gauche d'écarter leur courroux, pour faire luire un rayon d'espérance, mon savoisien, je resterai chez vous. Alors, je vaillant, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Halte, chant. Ralentir le pas. Le ton pour Sylvie. Il ne faudrait au grand jamais trop que il ne voudrait au grand jamais quitter les bons, les dévés, l'eau de bois et des sapins, quelques flocons dans les mains, les deux voix fait courir ses lents, c'est l'étoile de son âme. Non, jamais, oh, non, jamais, cet amour ne s'oublierait. Il ne vivra pas sans Sylvie, Sylvie si belle, si jolie, un vrai nom de la forêt, faisant tes causes éperdues. Le vol royal d'un aigle blanc, comme la neige s'étend, lui donne envie de chanter son amour aux deux forêts. Le bruit, le sang des rêves, trois coups de feu, c'est fini. L'amour fait place au combat, l'aigle est parti, mais voilà, le lieu de battu sous un sapin, dans sa sylva bien aimée. Il ne voudrait au grand jamais quitter les monts, les névés, l'eau de bois et des sapins, quelques flocons dans les mains. Les Delvaux fait courir ses lents, c'est l'étoile de son âme. Non, jamais, oh grand jamais, cet amour ne s'oublierait. Il ne vivra pas sans Sylvie, Sylvie si belle, si jolie, un vrai nom de la folle, faisant écho aux éperviers. Le vol royal d'un aigle blanc, comme la neige s'étend, lui donne envie de chanter son amour aux deux forêts. Le bruit, le sang des rêveries, trois coups de feu, c'est fini. L'amour fait place au combat, l'aigle est parti, mais voilà. Le lieutenant donne les ordres, honneur tient bon et l'accord. Dernière bulle, il oublie le canon des Alpinis. Il offre son âme à la mort, avec ardeur sans répit. Il repousse l'ennemi, lui passe au travers du corps. Mais une balle vient frapper le vaillant chasseur alpin, abattu sous un sapin, dans sa sylva bien aimée. Il ne voudrait au grand jamais quitter les monts, les névés, l'eau de bois et des sapins, quelques flocons dans les mains. Les Delvaux fait courir ses larmes, c'est l'étoile de son âme. Non, jamais, oh grand jamais, cet amour ne s'oublierait. Halte, halte. Déboîté en colonne simple, derrière moi. Sur l'avant. En colonne. Sur l'avant. Colonne. En avant. Section sergent.